Les personnalités des milieux politiques et sociaux de divers pays exaltent le dirigeant suprême Kim Jong-un. Le président du comité central du Parti communiste népalais uni a dit que la promotion de Kim Jong-un, promoteur de Sun Gun sans égal au poste de commandant suprême de l'armée populaire de Corée, est un grand événement garantissant sûrement le progrès victorieux de la cause révolutionnaire Juche, cause révolutionnaire de Sun Gun, et l'édification d'une puissance socialiste. Le président de l'Association russe d'études des idées du Juche a souligné que les militaires et civils coréens ayant à la tête le commandant suprême de l'armée populaire de Corée, Kim Jong-un, défendent parfaitement leur patrie et propulsent fructueusement l'édification d'une puissance socialiste tout en créant la vitesse de maniement. Le président du Conseil suprême du nouveau parti socialiste roumain a dit que la politique de Sun Gun du commandant suprême Kim Jong-un permet de préserver la souveraineté et la dignité du pays, alors que le président du comité national finlandais d'études des idées du Juche a affirmé que les idées et théories présentées par le camarade Kim Jong-un encouragent fort les peuples de nombreux pays qui œuvrent pour le socialisme et l'avenir radieux de l'humanité. Le chef du cercle d'études des idées du Juche de Madrid de l'Espagne a fait remarquer que grâce au commandant suprême Kim Jong-un, les militaires et civils coréens édifieront à coup sûr une puissance socialiste par la force de l'union monolithique entre le leader, le parti et les masses sous la bannière du kim il-sunisme, kim jong-ilisme.